je ne peux pas arrêter la montagne. Si elle casse sa carcasse sous la caresse du temps, je ne peux pas arrêter la mer qui dévore le rivage pour nous faire de belles plages. Je ne peux pas arrêter le torrent qui dévale sa arrêter le temps qui met des plis aux lèvres chères de ma mère. Je ne peux pas arrêter le vent qui déchire nos visages et arrache les frondaisons. Je ne peux pas arrêter la guerre. Rêver.